Chapitre 10 Amphibies et reptiles. On trouve au pied des monts Appalaches, dans les Florides, des fontaines qu'on appelle puits naturels. Chaque puits est creusé au centre d'un monticule planté d'orangers, de chênes verts et de catalpas. Ce monticule s'ouvre en forme de croissant du côté de la savane et un courant d'eau sort du puits par cette ouverture. Les arbres, en s'inclinant sur la fontaine, rendent sa surface toute noire au-dessous. Mais, à l'endroit où le courant d'eau s'échappe de la base du cône, un rayon de jour, pénétrant par le lit du canal, tombe sur un seul point du miroir de la fontaine, qui imite l'effet de la glace dans la chambre obscure du peintre. Cette charmante retraite est ordinairement habitée par un énorme crocodile, qui se tient immobile au milieu du bassin. À son écaille verdoyante, à ses larges naseaux qui lancent les ondes en deux ellipses colorées, vous le prendriez pour un dragon de bronze dans quelque grotte des bosquets de Versailles. Les crocodiles ou caïmans des Florides ne vivent pas toujours solitaires. Dans certains temps de l'année, ils s'assemblent en troupes et se mettent en embuscade pour attaquer des voyageurs qui doivent arriver de l'océan. Lorsque ceux-ci ont remonté les fleuves, que l'eau manque à leur multitude, qu'ils meurent échoués sur les rivages et menacent de répandre la peste dans l'air, la Providence les livre tout à coup à une armée de 4 ou 5 000 crocodiles. Les monstres, poussant un cri et faisant claquer leurs mâchoires, fondent sur les étrangers. Bondissant de toutes parts, les combattants se joignent, se saisissent, s'entrelacent, ils se plongent au fond des gouffres, se roulent dans les limons, remontent à la surface de l'eau. Le fleuve, taché de sang, se couvre de corps mutilés et d'entrailles fumantes. Rien ne peut donner une idée de ces scènes extraordinaires décrites par les voyageurs et que le lecteur est toujours tenté de prendre pour de vaines exagérations. Rompues, dispersées, pleines d'épouvante, les légions étrangères, poursuivies jusqu'à l'océan, sont forcées de rentrer dans les abîmes, afin que, désormais, utiles à nos besoins, elles nous servent sans nous nuire. Ces espèces de monstres ont quelquefois révolté la sagesse de l'athée. Ils sont pourtant nécessaires dans le plan général. Ils n'habitent que les déserts où l'absence de l'homme commande leur présence. Ils y sont placés pour détruire jusqu'à l'arrivée du grand destructeur. Aussitôt que nous apparaissons sur une côte, ils nous cèdent l'empire, certains qu'un seul de nous fera plus de ravages que 10 000 d'entre eux. Et pourquoi Dieu fait-il des êtres superflus qui obligent ensuite à des destructions? Par la raison que Dieu n'agit pas, comme nous, d'une manière bornée. Il se contente de dire « croissez et multipliez ». Et l'infini est dans ces deux mots. Dorénavant, pour être sage, il faudra peut-être que la divinité soit médiocre. L'infini sera un attribut que nous lui retrancherons. Tout ce qui sera immense sera rejeté. Nous dirons « cela est de trop » dans la nature, parce que notre esprit ne pourra le comprendre, et que si Dieu s'avise de placer plus d'un certain nombre de soleils dans la voûte céleste, nous tiendrons l'excédent comme non avenu, et en conséquence de cette prodigalité d'univers, nous déclarerons le Créateur convaincu de folie et d'impuissance. Considérez en eux-mêmes, quelle que soit la difformité de ces êtres que nous appelons des monstres, on peut encore reconnaître sous leurs horribles traits quelques marques de la bonté divine. Un crocodile, un serpent ne sont pas moins tendres pour leurs petits qu'un rossignol, une colombe. C'est d'abord un contraste miraculeux et touchant de voir un crocodile bâtir un nid et pondre un œuf comme une poule et un petit monstre sortir d'une coquille comme un poussin. La femelle du crocodile montre ensuite pour sa famille la plus tendre sollicitude. Elle se promène entre les nids de ses sœurs qui forment des cônes d'œufs et d'argile et qui sont rangés comme les tentes d'un camp au bord d'un fleuve. L'Amazone fait une garde vigilante et laisse agir les feux du jour, car si la délicate affection de la mère est comme représentée par l'œuf du crocodile, la force et les mœurs de ce puissant animal se peignent, pour ainsi dire, dans le soleil qui couve cet œuf et dans le limon qui lui sert de levain. Aussitôt qu'une des meules a germé, la femelle prend sous sa protection les monstres naissants. Ce ne sont pas toujours ses propres fils, mais elle fait par ce moyen l'apprentissage de la maternité et rend son habileté égale à ce que sera sa tendresse. Quand enfin sa famille vient à éclore, elle la conduit au fleuve, la lave dans une eau pure, lui apprend à nager, pêche pour elle de petits poissons et la protège contre les mâles qui veulent souvent la dévorer. Un Espagnol des Florides nous a conté qu'ayant enlevé la couvée d'un crocodile et la faisant emporter dans un panier par des nègres, la femelle le suivit avec des cris pitoyables. On posa deux des petits à terre. La mère aussitôt se mit à les pousser avec ses mains et son museau, tantôt se tenant derrière eux pour les défendre, tantôt marchant à leur tête pour leur montrer le chemin. Les petits se traînaient en gémissant sur les traces de leur mère, et ce reptile énorme, qui naguère ébranlait le rivage de ses rugissements, faisait alors entendre une sorte de bêlement, aussi doux que celui d'une chèvre qui allaite ses chevreaux. Le serpent à sonnette le dispute au crocodile en affection maternelle. Ce reptile, qui donne aux hommes des leçons de générosité, leur en donne encore de tendresse. Quand sa famille est poursuivie, il la reçoit dans sa gueule. Peu content des lieux où il la pourrait cacher, il la fait rentrer en lui, ne trouvant point pour des enfants d'asile plus sûr que le sein d'une mère. Exemple d'un dévouement sublime, il ne survit point à la perte de ses petits, car, pour les lui ravir, il faut les arracher de ses entrailles. Parlerons-nous du poison de ce serpent, toujours plus violent au temps où il a une famille? Raconterons-nous la tendresse de l'ours, qui, semblable à la femme sauvage, pousse l'amour maternel jusqu'à allaiter ses enfants après leur mort? Qu'on suive ces prétendus monstres dans leurs instincts, qu'on étudie leurs formes, leurs armures, qu'on fasse attention à l'anneau qu'ils occupent dans la chaîne de la création, qu'on les examine dans leurs propres rapports et dans ceux qu'ils ont avec l'homme. Nous osons assurer que les causes finales sont peut-être plus visibles dans cette classe d'êtres qu'elles ne le sont dans les espèces plus favorisées de la nature. De même que, dans un ouvrage barbare, les traits de génie brillent davantage au milieu des ombres qui les environnent. L'objection que l'on fait contre les lieux que ces monstres habitent ne nous paraît pas mieux fondée. Les marais, tout nuisibles qu'ils semblent, ont cependant de grandes utilités. Ce sont les urnes des fleuves dans les pays de plaine et les réservoirs des pluies dans les contrées éloignées de la mer. Leurs limons et les cendres de leurs herbes fournissent des engrais aux laboureurs. Leurs roseaux donnent le feu et le toit à de pauvres familles. Frêles couvertures en harmonie avec la vie de l'homme et qui ne durent pas plus que nos jours. Ces lieux ont même une certaine beauté qui leur est propre. Frontières de la terre et de l'eau, ils ont des végétaux, des sites et des habitants particuliers. Tout y participe du mélange des deux éléments. Les glaïeuls tiennent le milieu entre l'herbe et l'arbuste, entre le poireau des mers et la plante terrestre. Quelques-uns des insectes fluviatiles ressemblent à de petits oiseaux. Quand la demoiselle, avec son corsage bleu et ses ailes transparentes, se repose sur la fleur du nénuphar blanc, on croirait voir l'oiseau-mouche des Florides sur une rose de magnolia. En automne, ces marais sont plantés de joncs desséchés qui donnent à la stérilité même l'air des plus opulentes moissons. Au printemps, ils présentent des bataillons de lances verdoyantes. Un bouleau, un saule isolé, où la brise a suspendu quelques flocons de plumes, domine ces mouvantes campagnes. Le vent glissant sur ces roseaux incline tour à tour leur cime. L'une s'abaisse tandis que l'autre se relève. Puis, soudain, toute la forêt venant à se courber à la fois, on découvre ou le butor doré ou le héron blanc, qui se tient immobile, sur une longue patte, comme sur un épieu. Chapitre 11. Des plantes et de leur migration. Nous entrons à présent dans ce règne où les merveilles de la nature prennent un caractère plus riant et plus doux. en s'élevant dans les airs et sur le sommet des monts, on dirait que les plantes empruntent quelque chose du ciel dont elles se rapprochent. On voit souvent, par un profond calme au lever de l'aurore, les fleurs d'une vallée immobiles sur leurs tiges. Elles se penchent de diverses manières et regardent tous les points de l'horizon. Dans ce moment même où il semble que tout est tranquille, un mystère s'accomplit. La nature conçoit, et ces plantes sont autant de jeunes mères tournées vers la région mystérieuse d'où leur doit venir la fécondité. Les sylphes ont des sympathies moins aériennes, des communications moins invisibles. Le narcisse livre au ruisseau sa race virginale. La violette confie au zéphyr sa modeste postérité. Une abeille cueille du miel de fleur en fleur, et sans le savoir, féconde toute une prairie. Un papillon porte un peuple entier sur son aile. Cependant, les amours des plantes ne sont pas également tranquilles. Il en est d'orageuses comme celles des hommes. Il faut des tempêtes pour marier sur des hauteurs inaccessibles, le cèdre du Liban au cèdre du Sinaï, tandis qu'au bas de la montagne, le plus doux vent suffit pour établir entre les fleurs un commerce de volupté. N'est-ce pas ainsi que le souffle des passions agite les rois de la terre sur leur trône, tandis que les bergers vivent heureux à leurs pieds? La fleur donne le miel. Elle est la fille du matin, le charme du printemps, la source des parfums, la grâce des vierges, l'amour des poètes. Elle passe vite comme l'homme, mais elle rend doucement ses feuilles à la terre. Chez les anciens, elle couronnait la coupe du banquet et les cheveux blancs du sage. Les premiers chrétiens en couvraient les martyrs et l'autel des catacombes. Aujourd'hui, et en mémoire de ces antiques jours, nous la mettons dans nos temples. Dans le monde, nous attribuons nos affections à ses couleurs, l'espérance à sa verdure, l'innocence à sa blancheur, la pudeur à ses teintes de rose. Il y a des nations entières où elle est l'interprète des sentiments. Livre charmant, qui ne renferme aucune erreur dangereuse et ne garde que l'histoire fugitive des révolutions du cœur. En mettant les sexes sur des individus différents dans plusieurs familles de plantes, la Providence a multiplié les mystères et les beautés de la nature. Par là, la loi des migrations se reproduit dans un règne qui semblait dépourvu de toute faculté de se mouvoir. Tantôt, c'est la graine ou le fruit, tantôt, c'est une portion de la plante ou même la plante entière qui voyage. Les cocotiers croissent souvent sur des rochers au milieu de la mer. Quand la tempête survient, leurs fruits tombent et les flots les roulent à des côtes habitées, où ils se transforment en beaux arbres. Symbole de la vertu qui s'élève sur des écueils exposés aux orages, plus elle est battue des vents, plus elle prodigue de trésors aux hommes. On nous a montré, au bord de l'Iard, petite rivière du comté de Suffolk, en Angleterre, une espèce de cresson fort curieux. Il change de place et s'avance comme par bond et par saut. Il porte plusieurs chevelus dans ses cimes. Lorsque ceux qui se trouvent à l'une des extrémités de la masse sont assez longs pour atteindre au fond de l'eau, ils y prennent racine. Tirés par l'action de la plante qui s'abaisse sur son nouveau pied, les griffes du côté opposé lâchent prise et la cressonnière, tournant sur son pivot, se déplace de toute la longueur de son banc. Le lendemain, on cherche la plante dans l'endroit où on l'a laissée la veille et l'on aperçoit plus haut ou plus bas sur le cours de l'onde, formant, avec le reste des familles fluvatiles, de nouveaux effets et de nouvelles harmonies. Nous n'avons vu ni la floraison ni la fructification de ce cresson singulier, que nous avons nommé migrator, voyageur, à cause de nos propres destinées. Les plantes marines sont sujettes à changer de climat. Elles semblent partager l'esprit d'aventure de ces peuples insulaires que leur position géographique a rendu commerçant. Le Fucus giganteus sort des antres du nord avec les tempêtes. Il s'avance sur la mer en enfermant dans ses bras des espaces immenses. Comme un filet tendu de l'un à l'autre rivage de l'océan, il entraîne avec lui les moules, les phoques, les raies, les tortues qu'il prend sur sa route. Quelquefois, fatigué de nager sur les vagues, il allonge un pied au fond de l'abîme et s'arrête, debout. Puis, recommençant sa navigation avec un vent favorable, après avoir flotté sous mille latitudes diverses, il vient tapisser les côtes du Canada des guirlandes enlevées aux rochers de la Norvège. Les migrations des plantes marines, qui, au premier coup d'œil, ne paraissent que de simples jeux du hasard, ont cependant des relations touchantes avec l'homme. En nous promenant un soir à Brest, au bord de la mer, nous aperçûmes une pauvre femme qui marchait courbée entre des rochers. Elle considérait attentivement les débris d'un naufrage, et surtout les plantes attachées à ces débris, comme si elle eût cherché à deviner, par leur plus ou moins de vieillesse, l'époque certaine de son malheur. Elle découvrit sous des galets une de ces boîtes de matelots qui servent à mettre des flacons. Peut-être l'avait-elle remplie elle-même, autrefois, pour son époux, de cordiaux achetés du fruit de ses épargnes. Du moins, nous le jugeâmes ainsi, car elle se prit à essuyer ses larmes avec le coin de son tablier. Des mousserons de mer remplaçaient maintenant ses présents de sa tendresse. Ainsi, tandis que le bruit du canon apprend au grand le naufrage des grands du monde, la Providence, en annonçant au même bord quelques deuils aux petits et aux faibles, leur dépêche secrètement quelques brins d'herbe et un débris.